Dossier 4. Leçon 3. Activité 8. Et pour terminer cette rubrique faits divers, une dernière information, Jérôme ? Oui, une information aussi amusante qu'inquiétante. L'histoire se passe à Clermont-Ferrand. Le jeune Benjamin voulait juste faire une boum chez ses grands-parents pour fêter ses 14 ans dans 15 jours. Il avait choisi d'inviter 29 de ses amis et avait commencé à lancer les invitations par téléphone dimanche soir. Une de ses copines a voulu l'aider en créant un événement secret sur Facebook pour y inviter les personnes qu'il souhaitait voir à sa fête. Oula, je sens que ça va mal tourner, ça. Exactement. Parce que le lundi soir, le groupe secret comptait déjà 16 500 membres. Chaque membre de ce groupe secret avait la possibilité d'inviter 60 personnes. Incroyable ! Au total, c'est 33 000 personnes qui étaient, entre guillemets, invitées mardi soir. L'information a été aussi relayée sur les autres réseaux sociaux. De nombreux messages évoquent la boum sur Twitter et certains s'étonnent que l'adresse de la fête soit visible par tous. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, face à cette accélération incontrôlable, le père est allé porter plainte au commissariat de police. On ne le dira jamais assez, méfiez-vous des réseaux sociaux. L'avenir nous dira si les 33 000 nouveaux amis se sont rendus à la fête du jeune homme.